Sur nombre de véhicules aujourd'hui, la roue de secours est remplacée par une galette, c'est-à-dire une simple roue d'appoint en cas de crevaison. L'utilisation de cette roue est donc limitée dans le temps, 3000 km environ suivant les modèles, et pour la vitesse, 80 km/h maximum. Cette conception de la roue de secours est faite pour obliger le conducteur à faire réparer sa roue d'origine crevée. Il s'agit donc d'un gage de sécurité supplémentaire. Réponse B.